14-10, activation orale, approbation et désapprobation. Répondez affirmativement ou négativement selon les indications écrites. Par exemple, vous entendez. 1. Robert pense que Mireille est sympathique. Vous voyez. C'est vrai, elle est sympathique. Et alors, vous dites. Il a raison. Ou bien vous entendez. 2. Mireille pense que Robert est étudiant. Et vous voyez. Ce n'est pas vrai. Alors, vous dites. Elle a tort. En avant. 3. Mes amis pensent que le français est difficile. Ils ont tort. 4. Robert pense que Mireille est étudiante en psychologie. Il a tort. 5. Je crois que Robert est assez intelligent. Tu as raison. 6. Robert et moi, nous trouvons Mireille gentille. Vous avez raison.